Directement des studios de C'est Fou à Trois-Rivières, voici les palmarès C'est Fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou édition anglo pour la semaine ou la période d'une semaine qui va du 3 au 9 février 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et c'est le moment d'écouter le top 20 au complet. Hein? 20 pièces aimées par les animateurs de C'est Fou. La semaine passée, le numéro 1, c'était Jet avec She's a Genius. On va savoir très bientôt si c'est toujours au sommet. Mais avant ça, on a plein de nouvelles entrées. Hein? 3 du côté anglophone. Il y a Beja Bulat et Potter Steps. Mais on commence avec la 20e position. Voici Los Campesinos et la pièce de leur album Romance is Boring au 89 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Ghosts, no more mirrors and smoke, just you and me in the

Les trois nouvelles entrées de cette semaine du côté anglophone. Notre palmarès, c'est fou. Ça, c'était Bacha Bullott avec Gold Rush en 18e. Avant, c'était Parlor Steps avec Sleeping City, le deuxième extrait de leur album The Hidden Names. On a débuté avec Los Capucinos et la pièce titre de leur tout nouvel album Romance is Boring. Alors, on parle de Bacha Bullott. Hein, j'ai été faire mes petites recherches, tu sais, de gars qui n'avaient jamais prononcé son nom. Je sais, je suis peut-être un petit peu en retard pour les l'underground musical. Là, apparemment, c'est la nouvelle chérie canadienne. Là. Bref, dans un article sur LFPress.com, elle dit que son nom a été dit de tellement de façons différentes à travers le temps. Le Basaya, Beja, Basia, parce que son nom s'écrit B-A-S-I-A, son prénom, du moins. Elle dit qu'elle a joué dans un bar, un club, et il y avait une pancarte à un moment donné, elle devait faire un spectacle là, et la pancarte disait Baza, B-A-S-A, et ses amis. Ça a l'air d'un spectacle de marionnettes, qu'elle dit. Bref, c'est ça, donc c'est Bacha Bullott, c'est ce qu'on a à retenir, et son album s'appelle Heart of My Own. Alors, on continue avec un autre beau petit bloc musical. Il va y avoir Tegan and Sara et Pete Yorn accompagnés de Scarlett Johansson. Mais on commence par la 17e, ça descend de la 9e place. Voici The Job et Soon au 89 FM, c'est fou! Would you talk to me? numéro 15. Et Sarah avec Arrow, c'est la position numéro 15 du palmarès cette semaine, ça monte de 4 places et c'est la deuxième pièce de leur album Sainthood à figurer sur notre palmarès. La première était Hell. Avant Tegan and Sarah, c'était Pete Yorn et Scarlett Johansson avec Clean qui monte de 4 et on a débuté avec The Job et Soon qui descend de la 9e place mais qui est là depuis 8 semaines. Ça tire à sa fin pour The Job. La job est faite, comme on dirait. Alors, le prochain bloc, il y a Priestess et Woodhands, mais on commence par la 14e, ça monte de 4 places. Voici Two Hours Traffic et Territory au palmarès C'est Fou édition anglo. On reste ensemble pour encore un bon petit bout, jusqu'à temps qu'on arrive au numéro 1, là, qui était la semaine passée, Jet, avec She's a Genius, au 89.fm. numéro 13. Au retour, Priestess, Alberta Cross et Lake of Stew dans les palmarès C'est fou édition Anglo. Numéro 12. La pièce It Baffles the Mind de la formation Priestess est en 12e position anglophone, ça monte de 2 places. C'était précédé de Woodhands avec Pockets, qui est en position numéro 13, ça monte de la 17e. Et on a débuté le bloc avec Two Hours Traffic et Territory, ça monte de 4 places aussi. Les deux dernières, le Woodhands et Two Hours Traffic, étaient de nouvelles entrées la semaine dernière. Vous êtes toujours dans l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou et on continue jusqu'au numéro 1 qui, la semaine dernière, je le rappelle, était She's a Genius par Jet. On va voir si ça tient toujours d'ici la fin. Mais pour l'instant, le bloc qui contient les positions 9 à 11, il va y avoir We Are Wolves et Lake of Stew. Mais commençons tous ensemble par Albert Cross et Rise from the Shadows. Position numéro 11 des Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. numéro 10. Shake 'em up, shake 'em up. We Are Wolves et Walking Commotion, c'est la position numéro 9 du palmarès anglophone de C'est Fou et ça descend de deux places. Avant, c'était Lake of Stew avec Mean Shaking Mama qui monte de trois places et au tout début du bloc, on a entendu Albert Cross et Rise from the Shadows. Ça monte d'une place. Toutes les pièces qu'on a entendues dans le bloc, les trois, sont là depuis 4 semaines. Donc, ça monte tranquillement pas vite pour ces trois groupes-là. Dans le prochain bloc du palmarès anglophone de C'est Fou, on va entendre OK Go et Hot Little Rocket, mais on commence par la 8e position. Elle monte de 8 places. Voici Broke Down on the Brazos par Government Mule au 89.1 FM. Allez voir le www.cfou.ca pour regarder le palmarès hein, et pour télécharger la balotisation de l'émission. Allez voir la programmation. Des cossins, là. Plein d'affaires. Plein d'affaires. Today. numéro 7. Retour au Hockey Go, Devils at Rod et Colorado. On parlera ainsi faux audition Anglo au 89.fr. Numéro 6. This Too Shall Pass de OK Go en position numéro 6, ça descend de 2 places. Avant, c'était Hot Little Rocket avec Volcano qui descend de la 3e position. On a débuté le bloc avec Government Mule et Broke Down Brazos. Ça monte de 8 places et c'est là depuis 4 semaines. Ça avait l'album By a Thread. On poursuit les palmarès édition anglophone ici au 89 FM, c'est fou. Dans le prochain bloc, il va y avoir You Say Party, We Say Die et Colorado. Mais on commence avec Devil's Attrad et Wild Wild Mummy qui monte d'une place. Et parlant de Colorado, restez avec nous parce que tout à l'heure, dans quelques instants, je vais avoir un album de Colorado à vous donner. Hein? C'est pas de la gentillesse, ça, de la générosité. Oh oui! chocolate ice cream. Last night before she slept, no plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies, that day was a blur for me. She made me promise not to cry, so here is drink I drink to thee. The love and life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. C'était Colorado avec la pièce Juliette sur les ondes de C'est fou au palmarès anglophone. Si vous avez aimé ça, Colorado et cette pièce-là, Juliette en particulier, là, et si vous voulez entendre le reste de l'album, Record in a Bag, eh bien, je vous donne l'occasion de m'appeler au téléphone au 819-376-5183 là, aujourd'hui, mercredi, 14h17. 819-376-5183 et vous gagnez l'album de Colorado si vous êtes la, disons, troisième personne à m'appeler. Super original comme chiffre, hein? 819-376-5183. Pour l'instant, voici You Say Party, We Say Die et la pièce Glory. When the morning comes and I don't wanna face the daylight. When the morning comes and I can't make my body rise. When the morning comes and the darkness presses on all sides. When the morning comes, I have to cry my share of tears in the wings outstretched, with wings outstretched. You say party, we say die avec la pièce Glory en position numéro 3. Ça descend d'une place. Donc, c'était le nouveau, c'était le numéro 2 la semaine passée. Oui. Ce que j'allais dire, c'est que la prochaine pièce qu'on va entendre, c'est le Jet, She's a Genius. Et ça, c'était le numéro 1 la semaine dernière. Ça a duré jusqu'à maintenant 6 semaines. Et ben, c'est pas ça. C'est pas ça qui est numéro 1 cette semaine du tout. Du tout. C'est autre chose. Il va falloir que vous deviniez. Et je vais vous en reparler tantôt. Mais pour l'instant, Jet avec She's a Genius, simple comme ça, rapidement de même, on retourne en musique. Même pas besoin de parler ici. T'sais. C'est les palmarès, c'est fou, édition anglo, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que l'important à savoir. Avec She's a Genius, l'ancien numéro 1 de la semaine dernière, qui est maintenant en deuxième place, et bien leur album Chaka Rock. On est pas mal déjà rendu à notre numéro 1. Numéro 1 que vous avez peut-être entendu cette semaine particulièrement, ça a vraiment quand même pas mal joué. Je dirais que hier, là, en après-midi, j'ai entendu pas mal. Je trouve que. En tout cas, je trouve que ça me fait lever les mains dans les airs. Genre, presque. Et en première position. Anyway. Yippie, yippie, yippie, yippie, doo, yippie, doo, yippie, doo, yippie, doo. Et voilà. Big mistake. était le numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou pour cette semaine. Avant de dire le numéro 1, on fait le top 5. En cinquième position, c'était Devil's Hot Rod avec Wild Wild Mummy. En quatrième, Colorado et Juliet. En troisième, You Say Party, We Say Die avec Glory. En deuxième, c'était Jet avec She's a Genius, l'ancien numéro 1. Et notre nouveau numéro 1 monte de 7 places, c'est The Almost avec Hands. Et ça fait 8 semaines que c'est là. Donc bravo à The Almost. Voilà pour les palmarès C'est fou édition anglophone pour la semaine du 3 au 9 février 2010. C'était donc une belle émission truffée de plaisir qu'on va couper au montage. Une chance qu'on n'est pas en direct. Non, on me dit qu'on est en direct. On est en direct. D'accord, super. Yeah. Donc voilà, on se quitte pour les gens du vendredi soir, hein, eux qui s'en vont entendre la version francophone des Palmarès C'est fou, ça va commencer juste après la pause. Nous, le mercredi, parce qu'on est en direct les mercredis et jeudis entre 13h et 15h, on va entrer dans le top 10 électronique surtout, et on va sûrement faire une petite minuscule incursion dans le top 30 des CD. Alors restez avec nous, où que vous soyez, quand que vous nous écoutiez, peu importe, m'en fous. Donc restez avec nous, voilà, restez là, oui, oui, restez là, partez pas, hey, hey! Bon retour, c'est la deuxième partie des palmarès C'est fou. On appelle ça l'extra sauce brune, mais je m'appelle quand même Mathieu Plante. Étonnamment, c'est quand même moi qui anime ça. Que voulez-vous, on peut pas tout avoir. Dans cette deuxième partie de l'émission, on fait tout le temps une incursion dans différents autres palmarès. C'est comme les autres palmarès, c'est fou qu'on pourrait appeler ça. Des fois, c'est le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 loud, le top 10 électronique. Et le mercredi, on a tendance à surtout regarder ce qui se passe dans le top 10 électronique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a deux nouvelles entrées. En numéro 10, on retrouve IMX avec My Secret Friend. Et en troisième, ben c'est la première pièce qu'on va écouter dans l'émission d'aujourd'hui. C'est The Knife in collaboration with Mount Sims and Planning to Rock. Mais c'est un petit peu plus spécial que ça. En fait, c'est, je dirais, pas mal spécial comme chose à vous raconter. Regardez-moi ça. L'album Tomorrow in a Year, c'est l'album qu'on va écouter. Et c'est en fait la bande sonore de l'opéra Tomorrow in a Year, qui est basé sur les théories de Charles Darwin et qui a été monté par la troupe danoise Hotel Proforma, qui a demandé à la formation suédoise The Knife de composer la musique, et la formation The Knife a collaboré pour la composition de la musique de l'opéra avec Mount Sims et Planning to Rock. Est-ce que vous avez retenu ça? Non, c'est pas grave, écoutez-la tout de suite au palmarès C'est fou au 89.1 FM. On écoute la pièce Coloring of Pigeons, mais c'est l'album Tomorrow in a Year qui est sur le palmarès. Oh, c'est beaucoup d'éléments en même temps, ça, hein? Mais ça reste bon. Donc, on chiale pas. Oh. Mr. Peacock and Captain Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou. Version extra sauce brune à la fin, comme ça. Ça, c'était l'opéra Tomorrow in a Year, la pièce Coloring of Pigeons. Je vous rappelle, encore une fois, je vais le dire sûrement une fois de temps en temps comme ça, ou au moins à chaque fois qu'elle va être dans le top 3, que l'album Tomorrow in a Year, c'est la bande sonore de l'opéra qui s'appelle aussi Tomorrow in a Year, basée sur les théories de Charles Darwin et qui a été montée par la troupe danoise Hotel Pro Forma, qui a demandé à la formation suédoise The Knife de composer la musique. Et la formation The Knife a collaboré pour la composition de la musique de l'opéra avec Mount Sims et Planning to Rock. C'est ce qu'on écoutait. C'est en troisième position du palmarès électronique de C'est fou. Maintenant, on passe à la deuxième position. C'est la formation danoise Oh No One de l'album Eggs. Voici Helplessly Young. La pièce Helplessly Young de l'album Eggs par la formation danoise Oh No One. C'est l'album qui est en deuxième position du palmarès électronique. Je rappelle que la position numéro 3 est occupée par The Knife. On va juste dire en collaboration avec Mount Sims et Planning to Rock. L'album s'appelle Tomorrow in a Year. C'est la fin de l'émission, donc on va se quitter avec le numéro 1 qui est Fever Ray et l'album Fever Ray Deluxe Edition. On va entendre la pièce Coconut pour terminer ça. Et c'est ce qui va mener vers l'excellente émission Assemblage requis que j'anime avec Kiwan dans quelques minutes à peine. C'est ce qui s'en vient sur les ondes de C'est fou, alors restez là, partez pas. Et puis, je sais pas, asseyez-vous confortablement dans votre chaise et préparez-vous à rire. Ouais, en fait, c'est pas toujours drôle, mais bon. Des fois ça l'est, des fois ça l'est pas. Des fois ça l'est, des fois ça l'est pas. C'est pas que c'est un drôle de top 3, toi, que les choses avaient comme pas de lien ensemble. T'avais vraiment l'opéra au début, t'sais, super longue et vraiment grandissante. Pièce qui est super rythmée, puis ça, c'était tellement zen, ça me remet zen. Je trouve que tout va bien maintenant à cause de ça. Ouais, mais en même temps, c'est un peu à l'image de la musique électronique. De toute façon, c'est tellement vaste comme thème, t'sais, électronique, il y a tellement de sous-genres dans ça que c'est normal que le top 10 soit aussi éclectique. Et je pense que c'est la même chose pour le palmarès normal, que ce soit anglophone ou francophone, ça se pitche d'un bord puis de l'autre. Ça. Voilà. C'est comme ta moustache. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Des fois, t'sais, on dit « Ah, là, ta barbe commence à pousser, ça commence à avoir du sens, ta moustache. » Puis là, ben, tu t'arrases la... Ça dépend des goûts. Il y en a qui aiment ça plus court, plus long. C'est comme la musique. L'important, c'est la largeur. ce genre d'humour-là dans Assemblage Requis après la pause.